donc je suis. Eux suivent la tendance sans Laurence, loin du sens de la vie. Érection du bras droit, je vis pas dans cette France. Si ce jour est à eux, je fais banco sur la nuit. Petit fils d'immigrés, la mémoire dans le sens, c'est bien la milice française qu'un mimite de grand-père dans les camps. Famille italienne logée au quartier Saint-Jean. Rafle un beau matin, opération Sultan. J'aurais pu caresser la haine, cultiver la vengeance, mais je n'ai que poésie et mélodie pour engeance. Cela dit, chacun son spot, maintient la distance, où tu risques de voir ce que ta mère te montrait dans les films. Je fais pas de danse à la con, à deux doigts de l'abîme, ou me faire taper sur l'épaule par le président de la Guine, c'est ça. Dans mon monde, on n'argumente pas avec toi. J'ai ni le temps ni l'énergie consacrée à faire ça. Ce quotidien, on le capte pas si on vit à Versailles. Les grands ont tous cinq doigts, mais ils parlent avec trois. Anti-pute à buzz et allergique au bruit de botte. Je fricote avec ces prods qui donnent pour appeler les shots. On fait un good job, pas un tour de chauffe. Coup de chat d'un MC en Gucci avec un goût de shot. Tcha, 1, 3, planète Mars, boy. CV.